And now, the final set of words and phrases for this unit. Comme d'habitude, écoutez le français, l'anglais, puis le français, et puis répétez. Si. If. Si. Vous prenez. You take. Vous prenez. Le métro. The metro or underground. Le métro. En taxi. By taxi. En taxi. La circulation. The traffic. La circulation. Rapide. Fast. Quick. Rapide. Il est 10h10. It's 10 past 10. Il est 10h10.